Psaume 73. Psaume d'Asaph. Quoi qu'il en soit, Dieu est bon à Israël, savoir, à ceux qui sont nés de cœur. Or, quant à moi, mes pieds m'ont presque manqué, et il s'en est peu fallu que mes pas n'aient glissé. Car j'ai porté envie aux insensés, en voyant la prospérité des méchants. Parce qu'il n'y a point d'angoisse en leur mort, mais leur force est en son entier. Ils ne sont point en travail avec les autres hommes, et ils ne sont point battus avec les autres hommes. C'est pourquoi l'orgueil les environne comme un collier, et un vêtement de violence les couvre. Les yeux leur sortent dehors à force de graisse, ils surpassent les desseins de leur cœur. Ils sont pernicieux, et parlent malicieusement d'opprimés, ils parlent comme placés sur un lieu élevé. Ils portent leur bouche aux cieux, et leur langue parcourt la terre. C'est pourquoi son peuple en revient là, quand on lui fait sucer l'eau à plein verre. Et ils disent, comment le Dieu fort connaîtrait-il, et y aurait-il de la connaissance au souverain? Voilà, ceux-ci sont méchants, et étant à leur aisance au monde, ils acquièrent de plus en plus des richesses. Quoi qu'il en soit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Car j'ai été battu tous les jours, et mon châtiment revenait tous les matins. Mais quand j'ai dit, j'en parlerai ainsi, voilà, j'ai été infidèle à la génération de tes enfants. Toutefois j'ai tâché à connaître cela, mais cela m'a paru fort difficile. Jusqu'à ce que je sois entré au sanctuaire du Dieu fort, et que j'ai considéré la fin de tels gens. Quoi qu'il en soit, tu les as mis en des lieux glissants, tu les fais tomber dans des précipices. Comment ont-ils été ainsi détruits en un moment? Sont-ils défaillis? Ont-ils été consumés d'épouvantement? Ils sont comme un songe lorsqu'on s'est réveillé. Seigneur, tu mettras en mépris leur ressemblance quand tu te réveilleras. Or, quand mon cœur s'aigrissait, et que je me tourmentais en mes reins, j'étais alors stupide, et je n'avais aucune connaissance, j'étais comme une brute en ta présence. Je serai donc toujours avec toi, tu m'as pris par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, et puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel? Or je n'ai pris plaisir sur la terre en rien qu'en toi seul. Ma chair et mon cœur étaient consumés, mais Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage à toujours. Car voilà, ceux qui s'éloignent de toi, périront, tu retrancheras tous ceux qui se détournent de toi. Mais, pour moi, approcher de Dieu est mon bien, j'ai mis toute mon espérance au Seigneur éternel, afin que je raconte tous tes ouvrages.